L'après Bernard de Montréal, dans les années 80 au Québec, eh bien, Bernard de Montréal a fait son apparition sur la place publique pendant plusieurs années. Donc, les années 80, 90 et également au début des années 2000, il a diffusé publiquement de l'instruction supramentale. De mon point de vue, selon les informations que je dispose, c'est le premier individu à la surface du globe qui a véhiculé une vibration particulière en relation avec le plan mental. Ce qui est intéressant par rapport à son travail, c'est que c'est une vibration qui est véhiculée, qui est au-delà de la forme, qui permet à l'individu qui est en contact avec cette vibration de rester dans un état de liberté parce que le but de la vibration qui est véhiculée à travers une instruction supramentale, c'est d'amener la personne à goûter au savoir qu'elle porte à l'intérieur d'elle plutôt que de la surcharger de formes nouvelles, qui vont la conditionner dans une approche, dans une vision de la vie, dans une approche au niveau ésotérique, spirituel, psychologique, philosophique, politique, et ainsi de suite. Le travail qu'a fait Bernard de Montréal, notamment au Québec, a été un travail d'un pionnier en matière de la conscience, et j'en suis très redevable. Ça a été l'une des figures marquantes là, de mon existence présente, en ce sens que il m'a donné beaucoup d'inspiration en étant en contact avec son travail. Et l'objet du questionnement par rapport à l'enregistrement que je fais présentement, c'est de voir l'après-Bernard, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est venu sur Terre divulguer cette instruction supramentale, qui a produit au-dessus de 500 enregistrements, il a produit beaucoup de livres également, eh bien, c'est de voir qu'est-ce qui vient après. Et lorsque je pose la question à l'esprit, après que Bernard ait fait son passage sur Terre, qu'il soit décédé en l'an 2003, qu'est-ce qui vient après? Ça me répond une intégration personnelle des gens qui ont été exposés à Bernard. Il y a des gens qui ont été exposés à Bernard qui vivaient une forme de fascination par rapport à lui, voire même de dépendance. Autrement dit, les gens, au lieu de développer leur propre capacité d'accéder au savoir et de canaliser d'une manière autonome la vibration de l'esprit, eh bien, allaient poser des questions à Bernard en conférence ou en personne. Il y a des gens qui, en faisant ça, au lieu de rentrer dans leur propre autorité pour définir par eux-mêmes le réel, eh bien à ce moment-là, vivez en fonction de Bernard plutôt que de vivre en fonction d'eux. Et ce qui était particulier dans ce cas-là, c'est que Bernard véhiculait une instruction qui visait à libérer précisément l'individu des maîtres et de la dépendance à toute forme d'autorité extérieure à lui. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas intégré parce qu'il faut comprendre que par rapport au contexte socio-culturel dans lequel l'instruction supramentale a été véhiculée par Bernard dans les années 80, 90 au Québec, c'était un contexte à couleur religieuse, dans le sens que des gens ont été imprégnés par la religion catholique qui était très présente au Québec. Les gens qui étaient jusqu'alors fascinés par Jésus de Nazareth, les gens qui voyaient en la figure de Jésus un sauveur, quelqu'un sur lequel donner de l'importance, de l'autorité, eh bien, rencontrent Bernard de Montréal qui a un taux vibratoire particulier, qui se démarque des autres. Dans les années 80, le taux vibratoire de Bernard était très élevé à comparer de la population en général. Il y avait un écart là, flagrant entre les deux. Alors qu'à l'époque présente, il y a des gens qui commencent à avoir un taux vibratoire un peu plus élevé en relation avec l'intégration de l'énergie mentale, mais ce n'était pas le cas dans les années 80. Et étant donné ce décalage extrême de taux énergétique entre une vibration plus astrale que les gens connaissent depuis des siècles versus une vibration à l'état mental pur, eh bien, ça pouvait occasionner des chocs énergétiques et bien sûr des états de fascination. Donc, il y a des gens qui ont passé de la fascination en Jésus de Nazareth pour passer en la fascination à Bernard de Montréal. Et l'après Bernard, bien, c'est de se ramasser dans une situation où ce qui est décédé et que les individus de développer leur autonomie psychique pour accéder au savoir par eux-mêmes puis canaliser du matériel. Parce que si Bernard est plus là pour répondre à leurs questions, ça veut dire qu'ils doivent eux-mêmes répondre à leurs questions. Et c'est sûr que dans l'après-Bernard, c'est un mouvement qui s'installe présentement sur le globe lié à l'intégration d'une vibration mentale sur une base individuelle, dans le sens qu'il y a, par exemple, quelques personnes présentement, une poignée d'individus à peine, qui prennent la parole sur Internet pour diffuser de l'instruction à caractère supramental en lien avec leur intégration personnelle. Donc, ça peut être à travers des vidéos sur YouTube, ça peut être aussi à travers l'écrit. Il y a certaines personnes qui vont en plus la vibration pour écrire des textes. Mais l'essentiel, c'est que les gens qui ont à intégrer l'énergie de leur esprit vont l'intégrer. Donc, c'est sûr que pour ce qui est des gens qui ont connu Bernard de Montréal et qui ont bénéficié sur une base personnelle de sa vibration, c'est intéressant. Et c'est intéressant qu'une fois qu'ils soient décédés, qu'ils puissent développer leur autonomie psychique plutôt que de vivre en fonction des mémoires associées à l'instruction supramentale qui a été véhiculée. Parce que si la personne vit en fonction de mémoires de Bernard versus des mémoires associées à Jésus ou à Bouddha ou à Krishna ou peu importe quelle autre figure d'autorité à caractère initiatique qui a marqué le passé de l'humanité, ça demeure que l'individu vit en fonction d'une mémoire plutôt qu'en fonction de lui-même. Donc, si l'individu vit pas en fonction de sa propre vibration, il n'aura pas intégré l'essentiel du message qu'a véhiculé à l'époque présente Bernard de Montréal, qui est d'amener l'individu à être libre des formes. Donc, s'il faut être libre des formes, il faut être libre de toute forme, incluant même la forme de l'instruction supramentale, pour être capable tout simplement de déguster la vibration qui est derrière. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque personne a une certaine capacité, à un certain niveau, d'intégrer cette vibration. Il y a des personnes qui ont pu fréquenter Bernard sur une base personnelle. Aujourd'hui, ces enregistrements via Internet, parce que certaines personnes qui mettent de ces enregistrements là, sur YouTube. Donc, il y a des gens qui peuvent fréquenter ça, mais dans certains cas, ça peut être une première saucette par rapport à une vibration mentale qui va être intégrée dans d'autres incarnations. Donc, autrement dit, d'être exposé à une vibration un peu plus élevée prépare le terrain pour éventuellement amener certaines personnes à canaliser à travers leur parole une vibration qui est beaucoup plus élevé que ce qu'il canalisait dans le passé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que vous êtes exposé à une vibration mentale que ça veut dire que du jour au lendemain, vous allez être en mesure de canaliser à la même hauteur que la personne que vous entendez produire les enregistrements à caractère supramental du matériel. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un travail qui se fait de fond. En ce sens que si Bernard de son vivant ont formé peut-être 2000 sébidaristes, je ne connais pas le chiffre exact, là. Je sais qu'ils sont quelques milliers. Bien, ça se peut que parmi ces gens-là, il y a des gens qui décèdent et par la suite se réincarnent en bénéficiant de la vibration et de la transmutation psychique qu'ils ont connue dans leur vie présente, ce qui fait qu'ils vont se réincarner avec un taux vibratoire un petit peu plus élevé et ils vont être en contact avec d'autres personnes. Et en rayonnant cette énergie à ces autres personnes indirectement, ben ça peut participer à rehausser leur taux vibratoire par leur présence. Donc, il y a une communication énergétique qui se diffuse. Il suffit d'un individu sur Terre qui initie un mouvement d'énergie qui permet de générer une vibration un peu plus élevée. Et par la suite, ça diffuse dans le système, dans le sens que les gens qui sont exposés à lui directement, ben ça altère leur psyché en fonction de leur capacité d'intégration. C'est toujours lié à la capacité des corps de l'individu de soutenir la vibration. Si les corps sont peu développés, bien, la personne ne pourra pas en absorber beaucoup. C'est un petit peu comme, par exemple, d'absorber. C'est une image qui me vient, je vous la partage. Vous voyez que j'avais un petit peu de retenue, mais je vais vous la partager, un petit peu de l'alcool. Bon. C'est sûr que tout dépendant du gabarit de la personne, une personne peut boire 3 bières, elle va être en état d'ébriété. Une autre personne, ça va en prendre 4, une autre, ça va en prendre 2. C'est en fonction de chacun. C'est encore en fonction de la capacité de contenance de chacun. Donc, il y a des gens qui vont être capables d'absorber un peu plus de matériel vibratoire que d'autres, et d'autres moins. Et par la suite, ces gens-là, bien, c'est sûr qu'une fois qu'ils ont complété leur parcours terrestre, ils vont se ramasser entre 2 incarnations dans un autre niveau de réalité. J'allais dire sur le plan astral, mais ça dépend. Parce que si la personne a intégré un peu le plan mental, elle va se ramasser dans un plan intermédiaire entre le plan astral et le plan mental pur. Donc, c'est un plan qui est un petit peu coloré, mais pas autant que le plan astral sur lequel se retrouvent les êtres de haute spiritualité ou les êtres de basse vibration. Donc, c'est un point sur lequel ils vont... C'est un... Comment dire ça? Ce qui me vient en tête, c'est que c'est un peu moins coloré que l'astral qu'ont connu les êtres humains pendant des siècles, mais pas autant dépollué que le plan mental pur qui est en relation avec des entités qui ne se sont jamais incarnées dans la matière. Donc, il y a des gens un peu dépolarisés qui vont aller là, fait qu'ils vont avoir un taux vibratoire différent, qui va rayonner et qui va avoir un impact sur le plan astral aussi. Puis par la suite, lorsqu'ils se réincarnent, ils vont rayonner aussi cette vibration-là. Donc, il y a un travail qui se fait de longue échéance par rapport à une exposition vibratoire, dans le sens que au début, il y a quelqu'un qui initie le mouvement. Ensuite, ce mouvement est rayonné à des individus de son environnement, les individus qui assistent régulièrement à ses conférences, qui écoutent régulièrement les enregistrements. Et ensuite, ces individus-là changent de taux vibratoire selon leur capacité d'absorption qui n'est peut-être pas aussi grande que celle qui a initié le mouvement, qui a vécu une fusion intégrale, mais qui n'est néanmoins non négligeable, étant donné que cet rehaussement qui va se diffuser à d'autres personnes, parce que si une personne est en contact avec six personnes et six personnes sont en contact avec d'autres six personnes, il y a un effet multiplicateur qui s'inscrit au fil du temps, qui va amener une rénovation totale de la psyché, de l'ensemble des individus de la Terre, et cette conscience-là va se propager à l'échelle du globe comme une forme de virus psychique, dans le sens que à l'échelle internationale, d'ailleurs dans l'après-Bernard, ça c'est un élément fondamental, c'est l'émergence des technologies de communication qui font en sorte que présentement il y a des gens là, sur YouTube, à travers des textes aussi sur Internet, peuvent diffuser de l'information. Donc s'il y a des gens du Québec qui diffusent, bien, c'est sûr que dans un premier temps, il y a les gens en France parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Donc si les gens au Québec parlent français et les gens de la France parlent français, c'est plus facile pour eux d'absorber cette information-là qui est codifiée dans la même langue. Donc, il y a des gens en France qui vont absorber de l'information à caractère supramental. Et éventuellement, bien, il y a des gens en France qui parlent d'autres langues. Si on pense aux gens qui sont proches du pays de l'Espagne, bon, bien, il est possible que des gens qui, en France, étant proches de l'Espagne, véhiculent certaines informations à caractère supramental à des Espagnols. Donc, et aussi dans les pays voisins, que ce soit en anglais, en Angleterre ou en Allemagne. Donc, par rapport aux pays voisins, éventuellement, il y a un rayonnement qui se fait. Il y a également, c'est sûr, des gens en Europe qui parlent plusieurs langues. Donc, il y a une exposition à partir d'Internet qui va se faire progressivement un peu partout. C'est sûr que quand on parle de changement de langue, entre de parler français québécois versus parler en anglais américain, ben, l'écart est plus grand que le français de France. Et c'est la raison sans doute pour laquelle que il va y avoir dans un premier temps des gens en français de France qui vont parler de conscience supramentale plutôt qu'aux États-Unis. Mais éventuellement, ça va devenir mondial et on va parler de conscience supramentale en relation avec l'instruction que diffusait Bernard, au même titre qu'à l'époque aujourd'hui de parler de l'instruction de Jésus de Nazareth, c'est international. Donc, il y a une exposition qui a été faite mondiale, dans le sens que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, la plupart des gens peuvent avoir accès dans leur langue à des informations en relation avec Jésus, sauf que la distinction par rapport à Bernard, c'est que le but, c'est pas de créer une fascination et un culte envers un maître, mais plutôt de libérer les individus des formes et de les ramener à eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, l'après-Bernard va viser une libération psychique totale des individus pour les pa faire passer à un autre niveau d'évolution, un niveau d'évolution où ce que la personne apprend à se savoir et s'auto-définir de manière psychique par elle-même. Donc, la personne va entrer dans un autre niveau de réalité lié à sa capacité à se dévoiler des aspects qui lui étaient jusqu'alors cachés. Donc, autrement dit, sur une base individuelle, la conscience qui est véhiculée à l'époque présente va altérer l'individu en profondeur. Donc, ce n'est pas un remplacement d'une forme par une autre. Parce que dans le passé, il y a des gens, par exemple, qui ont délaissé l'enseignement de Jésus pour aller dans l'enseignement de Bouddha. Il y a des gens qui étaient dans l'enseignement de Bouddha, ont délaissé ça pour aller dans l'enseignement de Jésus, ou dans l'enseignement de Krishna, ou dans l'enseignement d'un maître, un tel, ou... Non, c'est pas de changer des formes pour des formes, c'est de changer des formes pour passer à une conscience purement vibratoire, qui est le but de l'instruction supramentale. Donc, on fait un saut en hauteur. Au lieu de raffiner des formes, ou de être fasciné par des formes plus exotiques que celles de sa culture d'origine, c'est un autre mouvement. C'est pas le même mouvement que vont vivre, par exemple, les Occidentaux qui sont fascinés par les philosophies orientales. C'est plutôt un mouvement de libération psychique totale lié au fait que la personne n'est plus fascinée par rien. Et c'est ça que les nouveaux initiés à la suite de Bernard vont vivre sur Terre. C'est un mouvement d'énergie sur une base individuelle qui va être vécu par eux, qui va être lié à une dépolarisation totale de leur mental et de leur subjectivité. Donc, c'est tout simplement ça le mouvement qui s'inscrit. Et c'est une forme, la conscience supramentale, d'un certain point de vue, c'est comme un virus qui va infecter l'ensemble de la psyché de l'humanité et qui va éradiquer le virus astral. D'un certain point de vue, vous voyez, je joue avec les formes, parce qu'un virus est souvent associé à quelque chose de péjoratif. Sauf que si le virus crée un rehaussement progressif, parce qu'un temps libre les formes, ben, il se diffuse partout. Le virus va se diffuser dans l'air, va se diffuser dans l'eau, dans la terre, dans l'éther, pour un rehaussement énergétique total de la terre, en ce sens que une vibration qui est descendue sur le globe, sur le plan d'un registre initiatique, eh bien, une fois que c'est descendu. Et à l'heure actuelle, l'énergie mentale qui a été acheminée par lui, puis là, il y en a d'autres individus aussi qui canalisent du matériel à l'échelle du globe, c'est qu'une fois qu'elle est intégrée dans le système ne peut plus s'en départir. Parce que l'énergie est là, et l'énergie travaille le système. Présentement, au niveau astral, ils sont confrontés avec l'énergie mentale, et là, ça s'introduit, et il n'y a pas possibilité de mouvement en arrière. Fait que c'est sûr que présentement, les êtres qui sont sur le plan astral sont conscients que la fin de cette réalité, c'est juste une question de temps, parce que éventuellement l'égrégore du plan d'énergie astrale va être dilué, va être dissous, et il va y avoir la constitution d'une grille énergétique mentale qui va être le remplacement. Donc, autrement dit, la désuétitude du plan astral, eh bien, elle est réalisée, difficilement assinable par certaines entités qui vont y résister le plus longtemps possible, je le comprends, parce qu'après tout, de se faire dire qu'on va passer à une autre forme de fonctionnement psychique alors que des entités sont en autorité et en pouvoir sur le plan astral depuis des siècles, voire des millénaires, donc leur dire qu'à quelque part, ça sera plus eux qui dirigent, il y a un changement de chiffre. C'est très difficile pour eux d'absorber cette nouvelle-là et de l'intégrer et de l'assimiler psychiquement. Donc, il va y avoir des résistances et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, ces résistances sont limitées parce qu'elles s'appuient sur des formes anciennes. Et lorsque la vibration s'installe de nature créative et autorégulée par une intelligence qui lui est propre, qui est au-delà de celle astrale étant beaucoup plus vaste, comme c'est une intelligence qui libre la forme, ben elle sera jamais coinçable par des formes. Donc, autrement dit, le plan astral peut pas faire rien pour elle. Parce que le plan astral peut chercher à utiliser une forme pour bloquer un certain mouvement. Puis, ça fonctionne pas, ben, elle va utiliser une autre forme qui existe déjà. Mais elle ne peut pas créer de formes nouvelles qui ne sont pas issues de la mémoire. Alors que l'intelligence qui crée des formes aura toujours une longueur d'avance sur le plan astral qui n'a pas la capacité de créer des formes. Et, ce que je veux dire par là, c'est que l'après Bernard de Montréal, c'est qu'il a initié le passage d'une vibration mentale sur le plan terrestre et par la suite, au fil des prochains siècles, c'est tout simplement l'intégration de cette énergie et une multiplication des diffuseurs de l'instruction supramentale à l'échelle du globe. Donc, autrement dit, il y a des gens qui vont en faire une diffusion explicite sur Internet, sur des sites comme YouTube, également des sites Internet avec des textes, des écrits, des livres. Donc, ça participe à ce mouvement-là, mais aussi diffusion implicite. Ça peut être tout simplement la personne qui est instructrice et qui va enseigner des choses à des enfants et la vibration qu'elle va véhiculer à travers ses propos en utilisant des mots qui sont banals à des enfants, va amener ces enfants-là à avoir un fonctionnement psychique intégral. Donc, autrement dit, un travail de fond, un travail souterrain qui se fait par l'énergie, en ce sens que l'énergie circule, et surtout l'énergie mentale, parce qu'elle est libre de forme, donc ça s'introduit, ça se disperse partout. C'est sûr que juste la manière de dire quelque chose à une personne, sans changer le contenu, À ce moment-là, ça diffuse une vibration. La personne peut utiliser des termes psychologiques. Elle peut dire à un autre, c'est important de t'affirmer, faire preuve d'affirmation de soi. Et la façon qu'elle va le dire à l'autre, ah, une vibration mentale qui est là. Donc, elle n'a pas besoin de dire, d'être capable de dévoiler le mensonge du plan satanique et du plan astral et du plan luciférien. Non. Ah, tout simplement... d'être capable de s'affirmer lorsqu'on est confronté à une pensée qui fait pas son affaire, une pensée qui occasionne de la souffrance. Donc, elle est pas obligée nécessairement de parler explicitement de sujet supramental, juste le ton de sa voix et sa manière de communiquer va participer à cette diffusion-là. Et c'est sûr que c'est la diffusion implicite de par les gens qui ont été exposés à l'énergie supramentale et qui en ont fait une intégration individualisée qui va apporter le plus de changements parce que ça se fait d'une manière qui se voit peu, mais qui est continuelle, un peu comme par rapport à une vague. Vous savez, l'un des éléments qui a une des plus grandes forces sur Terre, c'est tout simplement l'eau qui va être capable de faire l'érosion des roches. Ça peut prendre plusieurs siècles. Mais si c'est une force continue, progressivement, les berges diminuent, on s'en rend pas nécessairement compte sur le coup. Et c'est la même chose pour le changement vibratoire. Si les gens s'en voient pas compte de cela, il y a moins de résistance de leur part et ça se fait plus naturellement et ça s'enchaîne. Donc, c'est souvent une force qui est beaucoup plus puissante qu'un coup d'éclat dans les médias de masse où tout d'un coup, quelqu'un sort publiquement et crée un choc. Mais ça n'a pas de répercussions sur plusieurs siècles. En ce sens que, par exemple, si une personne sort dans les médias en commettant un attentat terroriste, la personne se fait exploser avec une bombe, pendant quelques jours, on peut parler d'elle dans les bulletins de nouvelles. Il peut y avoir des millions de personnes à l'international qui vont visionner la vidéo d'elle où il est question qu'elle a commis un attentat terroriste, il y a eu plusieurs morts à cause d'elle. Donc, ça lui donne, pendant un court laps de temps, de l'attention. Sauf que par la suite, une fois que c'est fini, bien, les gens passent à autre chose. Mais le travail souterrain de la vibration, ce que ça fait, c'est que ça altère en permanence la psyché de la personne qui est exposée à ça, puis il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Parce que lorsque la personne sait qu'elle sait, elle sait, c'est fini. Elle peut, à un moment donné, elle se fait un petit peu astraliser, puis elle peut se dire « Ah, je sais pas », elle peut vibrer un peu de la distension, mais à quelque part, il y a une partie d'elle-même qui sait qu'elle sait, puis elle peut pas le nier. Elle peut essayer de se raconter des histoires, parce qu'après tout, elle peut vivre des fluctuations de l'âme, puis l'intégration est progressée, mais il y a quelque chose qui est changé à travers elle lorsqu'elle est exposée à cette énergie, et c'est permanent. Et c'est sûr que le changement qui va s'opérer avec l'énergie mentale, c'est progressif sur plusieurs siècles, mais de manière continue. Donc, autrement dit, au lieu de faire un coup d'éclat médiatique, puis il y a des millions de personnes dans le monde qui sont exposées à ça tout d'un coup, ça crée un flash, mais il n'y a peut-être pas une capacité d'intégration aussi rapidement qui est produite, en ce sens que si quelqu'un est exposé à une personne pendant 2-3 jours qu'elle entend parler dans les nouvelles, comme un incident terroriste, ça se peut que les gens n'aient pas nécessairement intégré la charge énergétique liée à l'événement. Par contre, si la personne est exposée tout simplement à un voisin, qu'une fois de temps en temps, lorsqu'il parle, parce qu'il a été exposé à l'instruction supramentale, véhicule une vibration particulière, bien, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, bien, à quelque part, à un moment donné, ça va altérer sa psyché, mais ça va se faire de manière subtile. Si la personne ne parle pas explicitement de l'instruction supramentale à son voisin, ça va créer moins d'opposition que de lui parler de plan astral ou de plan mental d'une manière technique. Mais la vibration pénètre. Et c'est une force tranquille, mais qui ne doit pas être sous-estimée. Un peu comme la force de l'océan qui, au fil des années, des siècles, va gruger de plus en plus les berges pour éventuellement être libre de ses formes. Un peu comme l'énergie mentale qui, au fil du temps, va diminuer l'énergie astrale sur Terre et éventuellement amener une recomposition énergétique, c'est-à-dire que lorsque la Terre sera libre totalement de l'énergie de l'égrégore astral, eh bien, il y aura simplement de l'énergie libre à l'état pur qui va pouvoir être absorbée par des individus un peu partout à la surface de la planète. C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir un fonctionnement psychique totalement renouvelé. Puis il y a des gens qui s'en rendront pas compte que ce changement-là se fait parce que c'est progressif. C'est un petit peu comme un enfant. Je vais vous donner l'image de l'enfant. C'est que si vous voyez un enfant à tous les jours, il est en période de croissance, donc quelqu'un qui a 10 ou 12 ans, peut-être que vous verrez pas les subtils changements liés au fait qu'il grandit sur le plan physique. Par contre, si vous voyez l'enfant une fois par année, par exemple pour le temps des fêtes, la période de Noël et le jour de l'an, ça se peut que les différences, vous les voyez plus marquées que l'enfant a grandi. Donc, si l'enfant prend quelques centimètres pendant certaines années charnières de son développement, vous allez les voir. Tandis que si vous êtes tout le temps avec lui, à chaque jour, vous le voyez pas. Mais dans les deux cas, l'enfant a changé. Et c'est la raison pour laquelle que si vous êtes à côté d'une personne, puis la personne change progressivement, puis vous la voyez tous les jours, peut-être que vous en aurez pas compte. Il y a peut-être présentement des gens qui m'écoutent. Il y a peut-être, par exemple, la conjointe d'un homme et son conjoint n'est aucunement au courant que sa compagne s'intéresse à la conscience supramentale, qu'elle va écouter des enregistrements, qu'elle va lire des textes, qu'elle peut même en écrire. Mais si elle, elle n'en parle pas explicitement, mais elle intègre un peu, puis une autre journée, elle intègre un peu, puis cette énergie-là, à quelque part, va rayonner. Parce que après tout, si on est en contact avec une autre personne et on touche à son champ énergétique, surtout dans le cadre d'une relation de couple, tôt ou tard, son aura, sa structure énergétique va être exposée à cette énergie et ça va créer, dans une certaine mesure, des changements. Et peut-être que l'autre personne ne s'en rend pas compte, mais progressivement, il y a des changements qui s'opèrent subtilement en lien avec l'exposition à cette énergie. Ça se fait naturellement, que la personne consciemment ou inconsciemment, à qu'elle veuille ou non parler de conscience, si sa vibration est liée à la conscience va s'exprimer à travers sa parole et elle n'aura pas besoin de faire d'efforts psychologiques, d'efforts intellectuels en ce sens. Juste sa présence va rayonner l'énergie et cette exposition à cette énergie va faire réagir les auras parce que, après tout, nous sommes tous interreliés. Et en lien avec ce système énergétique, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'après-Bernard, c'est qu'une fois qu'il y a amené à la surface du globe une vibration nouvelle, eh bien, à ce moment-là, une fois que la vibration est descendue, les gens peuvent travailler avec elle. Les gens aussi peuvent canaliser de l'information en complémentarité avec la vibration qui l'a descendue pour participer à l'élaboration des infrastructures psychiques de l'humanité nouvelle et apporter des raffinements par rapport aux architectures qu'il a présentées dans le cadre du contexte évolutif des années 80-90. Donc, autrement dit, aujourd'hui, quelqu'un en 2017 peut canaliser du matériel qui est plus ajusté à l'époque présente que Bernard en a canalisé dans les années 80, en ce sens qu'aujourd'hui, l'éther psychique de la collectivité humaine est différent de celui des années 80. Donc, autrement dit, la vibration s'auto-ajuste en fonction des époques. Donc, Bernard a amené certaines choses, il y a des gens par la suite qui vont amener d'autres choses, et ça fait partie du développement de l'humanité. Donc, dans l'après-Bernard, c'est une intégration collective d'une vibration supramentale qui a été amenée, et puis ça fait son bout de chemin au fil du temps, au fil des années, au fil des siècles. C'est sûr qu'il ne faut pas vivre en fonction du résultat parce que ça va s'échelonner sur plusieurs décennies. L'intégration totale de cette vibration-là à l'échelle du globe. Mais il faut vivre par rapport à soi et par rapport à son intégration personnelle qu'on peut faire de l'énergie concrètement dans sa vie de tous les jours pour améliorer concrètement son sort et également, bien entendu, être bien dans sa peau. Sinon, par rapport à l'instruction supramentale qu'a descendu Bernard de Montréal, ce que je peux rajouter en faisant des liens avec la théorie du centième singe qui provient de Rupert Sheldrake, donc pour celles et ceux qui sont intéressés à savoir un peu plus sur cet auteur, donc Rupert, Rupert Sheldrake. Donc, pour ceux qui veulent faire de recherche suite à l'écoute de cet enregistrement de cet auteur, c'est que le principe de ce qu'on appelle des champs morphogéniques s'applique, bien sûr, à l'instruction supramentale, en ce sens qu'une fois qu'une instruction a été descendue à la surface du globe, bien, elle a été archivée dans la structure énergétique qui englobe la Terre, ce qui fait que présentement, il y a des êtres incarnés qui n'ont jamais connu Bernard de Montréal et qui ne le connaîtront jamais, mais qui peuvent bénéficier du matériel qui a descendu, au même titre que certains êtres sur le plan astral qui n'étaient pas en position d'incarnation au moment où il est descendu sur matériel, mais qui peuvent être conscients que ce matériel existe. C'est sûr que les gens qui n'ont pas le taux vibratoire, bien sûr, pour l'intégrer, que ce soit sur le plan physique ou les êtres sur le plan de la mort, n'en ont pas nécessairement la capacité. Par contre, lorsque les corps d'énergie se développent, bien à ce moment-là, la capacité de le faire s'organise. Mais pour en revenir au fait que cette instruction est intégrée à la matrice planétaire, en lien avec la théorie du centième singe qui a été développée par Rupert Sheldrake, c'est que, par rapport à cette expression, c'est que, ben, je peux vous lire le texte sur Wikipédia à ce sujet, peut-être que vous allez mieux saisir où je veux en venir. C'est que le centième singe est une expression désignant à l'origine un phénomène supposé par lequel un apprentissage se serait répandu depuis un petit groupe de singes à toute la population de singes de la même espèce, une fois qu'un certain nombre d'entre eux auraient été atteints. Dans le courant New Age, l'expression se rapporte à une propagation d'une idée, d'un savoir ou d'une capacité au sein d'une population humaine, comme dans le concept de résonance morphique de Rupert Sheldrake, sans qu'il y ait de transmission visible une fois qu'un nombre clé de personnes aurait acquis ce savoir ou cette capacité. Donc, je termine la lecture ici qui provient de Wikipédia. Donc, l'idée du centième singe, c'est tout simplement qu'une fois qu'une façon de faire nouvelle a été amené. Donc, si on prend par exemple le cas sur une île de singes qui apprennent à nettoyer les patates qu'ils vont manger avec de l'eau. Donc, une fois que sur une île donnée, il y a des singes qui adoptent ce comportement-là en grande quantité, bien, il est possible que sur d'autres îles situées à une très grande distance, ce qui fait qu'il n'y a aucune communication physique qui peut se faire entre les deux groupes de singes, adoptent le même comportement parce que dans la conscience collective se rapportant aux singes, l'information a été descendue que de mouiller une patate avec de l'eau salée, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Donc, autrement dit, l'information se transporte et est diffusée au-delà des limites physiques, ce qui fait que même si, par exemple, Bernard de Montréal a amené cette instruction-là principalement au Québec, il est possible présentement qu'en Martinique, un individu vive cette conscience-là, ou une autre personne en Afrique, ou une autre personne en Asie, et peu importe, parce que la minute que l'information est descendue dans la psyché collective de l'humanité, bien, l'information peut potentiellement être accessible sur un registre mondial aux gens qui vont se brancher à elle. Et ce qui est intéressant par rapport à l'instruction supramentale, c'est que les nouveaux enfants qui vont venir sur Terre, qui peuvent bénéficier de cette instruction qui est disponible à présent dans le champ d'énergie qui englobe la Terre, peuvent faire en sorte que ces enfants aient une programmation moins lourde que les autres enfants qui sont venus dans le passé, et que certains enfants qui sont en réalité des esprits incarnés descendent sur Terre pour en vivre une intégration pertinente de cette instruction-là. Donc, autrement dit, ça va être des enfants de ce que j'appelle l'âge de la fusion de l'âme avec l'esprit, l'âge du changement de conscience. Et cette instruction-là qui est présente à la surface du globe et qui est aussi dans la psyché collective de l'humanité va amener des changements, en ce sens qu'il est possible qu'il y ait des enfants qui s'incarnent dans les prochains siècles avec une aura moins astralisée et avec une énergie mentale qui va être plus facilement absorbable pour eux, étant donné que l'énergie est davantage présente dans la psyché collective qu'elle l'était, par exemple, il y a 100 ans. En fait, elle n'était pas là du tout il y a 100 ans. Donc, c'est une énergie qui est là depuis 1969 et qui devient de plus en plus présente. Et il y a un corps d'énergie mentale qui est présentement en état de développement à l'échelle du globe. Et plus qu'il prend de l'ampleur, plus que c'est facile de s'y réseauter sans qu'il y ait d'interférence astrale. Mais ça va se faciliter de plus en plus au fil des siècles. Et c'est les enfants nouveaux qui vont s'incarner sur Terre, qui vont en bénéficier avec un mental allégé à comparer de leurs prédécesseurs, avec moins de lourdeur astrale. Donc, autrement dit, leur aura, leur structure énergétique, au lieu d'être polluée en bas âge par un conditionnement social qui est lourd, liés à des conditionnements religieux, liés ensuite à des situations extrêmement dures au niveau de l'ego, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans le passé qui avaient une aura qui était polluée par un endoctrinement à caractère religieux. Ensuite, ils étaient victimes de violences parentales, violences aussi des camarades, l'intimidation. Ensuite, il y a des jeunes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc, beaucoup d'éléments qui peuvent amener l'individu à s'astraliser, à se réfléchir. Donc, si les jeunes vivent dans un contexte social qui est plus sain, parce qu'il a évolué au fil des décennies en relation avec l'intégration de la vibration mentale, étant donné que la violence faite par les professeurs est bannie, étant donné que, par exemple, si on prend le cas de la société québécoise, eh bien, il n'y a plus en tant que tel de religion qui est aussi présente qu'elle était dans le passé. Donc, s'il y a moins de mémoire auquel l'enfant est exposé dans un contexte social, bien à ce moment-là, il peut vivre plus en fonction de la vibration et est en contact avec l'énergie supramentale sans qu'il y ait des interférences qui créent des lourdeurs. Et si l'enfant n'est pas pollué à la base, il n'a pas besoin de passer plusieurs années dans sa vie à se dépolluer d'un conditionnement qu'il a connu dans son enfance pour se rééquilibrer une fois rendu à l'âge adulte, parce que s'il naît déjà dans un état d'équilibre et en harmonie avec l'énergie, eh bien, à ce moment-là, c'est extrêmement facile pour lui d'avoir un mental qui est déjà fluide à la base et d'avoir un fonctionnement intégral en lien avec elle. Et c'est vers ça que l'après-Bernard va être marquant, dans le sens qu'il va avoir des changements dans la psychologie des enfants qui vont venir sur Terre au fil des prochains siècles, qui va se faire de plus en plus avec facilité et douceur en relation avec l'intégration de cette énergie. Parce que le plus difficile, ça va avoir été de descendre cette énergie-là mentale à la surface du globe et de l'avoir canalisée une première fois. Mais une fois que c'est canalisé une fois, c'est facile d'en canaliser deux fois, trois fois, et ainsi de suite à travers un paquet d'individus. C'est un petit peu comme pour la réalisation du premier prototype automobile. Donc, de créer la première voiture ou le premier ordinateur, ça a demandé une énergie considérable. Mais aujourd'hui, avec les chaînes de montage qui nous permettent de produire des autos en série ou des ordinateurs, ça se fait avec une facilité déconcertante à comparer des prouesses techniques qu'ont dû faire face nos ancêtres pour concevoir les premiers véhicules automobiles ou les premiers ordinateurs. Donc, autrement dit, lorsque la personne a créé le premier corps d'énergie mentale associé à l'intégration de cette vibration dans son champ aurique, ça a été beaucoup plus difficile. Alors qu'aujourd'hui, si on crée des corps mentaux en série par rapport à des individus en grande quantité qui intègrent la vibration mentale, qui amènent une reconfiguration de leur champ aurique, bien, ça devient de plus en plus facile. Puis au fil des siècles, ça va devenir de plus en plus facile. En ce sens que, par exemple, au début, par exemple, la première personne qui utilisait un ordinateur, c'était un tour de force. Puis, avec le temps, il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'ordinateur, donc ça devient de plus en plus facile de l'utiliser parce que il y a une grande quantité de personnes qui peuvent avoir accès à la machine avec facilité. Donc, ça devient de plus en plus facile. C'est comme la connexion aussi à Internet. Donc, au début, il y avait peu de gens qui étaient connectés sur le réseau Internet. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et l'accès Internet est de plus en plus présent. Autrefois, de trouver un terminal informatique avec Internet, c'était pas évident. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens en Occident peuvent avoir accès Internet sur leur téléphone intelligent. Donc, ça demande presque pas d'effort. Et ça va être la même chose pour la connexion à l'Internet psychique, c'est-à-dire la conscience supramentale. Au début, ça demande de l'effort. Puis, un peu partout dans le monde, il va y avoir des terminals en relation avec cette énergie, c'est-à-dire des individus qui sont branchés à cette vibration, qui vont servir d'antenne relais de l'instruction supramentale, et le monde va se mettre à changer de plus en plus rapidement. Et ça va être un multiplicateur, et éventuellement, il y aura une masse critique de gens qui vivent la fusion avec le plan mental qui va être atteinte sur Terre. Et plus que ça va aller, plus que cette vibration-là va s'intégrer et vivre une harmonisation avec le plan matériel au fil des prochaines années. Et plus qu'on avance, plus que ça va aller vite, plus que ça va s'accélérer. Un peu comme la vitesse de transmission de l'information à travers des nouvelles technologies d'information. Plus qu'on avance, plus qu'il y a des technologies qui nous permettent de relayer l'information, et plus elles sont accessibles à coût modique. Parce qu'autrefois, la première personne qui achète un ordinateur, ça coûtait très cher. Et aujourd'hui, d'avoir accès à un ordinateur, c'est un montant dérisoire à comparer à ce que nos ancêtres ont dû payer. Puis les ordinateurs avaient moins grande capacité qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, non seulement l'ordinateur a plus de capacité, mais il coûte moins cher. Et ça va être la même chose par rapport à l'accès à la conscience supramentale. Son accès va se démocratiser à l'échelle du globe au fil des prochains siècles, tout simplement. Donc, c'est ce qui va terminer à présent cet enregistrement. Merci de votre écoute et au revoir.